souligne avec notre ami Marc-André Gagnon, puisque c'est le début de la saison pour l'équipe de Christopher Gagnon. Changement de personnel cette année, changement d'entraîneur, pour savoir un peu comment qu'il entrevoit la prochaine saison. Salut Marc-André. Marc-André, comment t'entrevois? Évidemment, on va parler avant tout pourquoi la raison que c'est un nouvel entraîneur, c'est toi cette année qui s'occupe de l'équipe de Christopher Gagnon. Oui, c'est moi qui s'en occupe cette année, à la demande même de Daniel, là, l'ancien entraîneur. Okay. Le père à Christopher et à Zachary, de m'occuper de l'équipe cette année. Fait que, c'est pour ça, là, des raisons personnelles et des raisons aussi un peu pour faire progresser l'équipe. Okay. Comment ça s'enligne cette année? Ah, cette année, la saison pour cette équipe-là est très prometteuse. Beaucoup de tournois à venir. Okay. Ils font partie d'un circuit, eux autres. Ils appellent ça le circuit juvénile au Québec. Donc, c'est des tournois partout à travers le Québec. L'objectif, c'est de se qualifier parmi les quatre meilleures équipes au Québec et de participer au tournoi ultime qui va avoir lieu à fin février. Je ne sais plus à quel endroit, là, mais c'est un tournoi qui va regrouper seulement les quatre meilleures équipes. Puis le gagnant de ce tournoi-là, qui va avoir lieu au mois de février, va pouvoir participer au mois d'avril, il va pouvoir se diriger vers Edmonton pour participer au championnat international des moins de... Est-ce que c'est accessible? Oui, c'est très accessible. C'est pour... OK. C'est pour cette raison que je me suis joint aussi à l'équipe, là, faut pas me le cacher. L'équipe a un gros potentiel. Il suffit, là, il y a du travail à faire au point de vue de polir un peu leur style de jeu puis leur stratégie. Je m'attends qu'on va faire partie là, des quatre finales. Est-ce que le fait que, l'année passée, on avait pris de l'expérience, mais cette année, vraiment, là, l'objectif, c'est vraiment de bien performer. Là. C'est pas juste pour une question de prendre l'expérience. On passe à un autre niveau cette année. Oui, oui, absolument. Cette année, là, c'est pas le niveau d'expérience. Là, c'est le niveau, vraiment, on veut arriver au... Arriver à la fin puis être parmi les meilleures équipes au Québec dans la catégorie juvénile. OK. Le fait que ça a commencé en retard un petit peu au Centre civique, ça n'a pas d'impact, ça, pour l'entraînement? Ça n'a pas eu un gros impact? Non, pas vraiment. Ça a commencé, là, pas mal tout le temps dans les mêmes périodes. Là. Nous autres, dans la région, là, étant donné avec la chasse à l'Orial, ouais. On peut pas... D'ailleurs, la majorité des régions, ça commence au début octobre. Il y a certains clubs qui sont ouverts, là, les clubs comme le club de curling et de chemin, eux autres, c'est début septembre, mais c'est des exceptions. Là. Okay. Ça serait plaisant là, si on pouvait commencer avant, mais il y a des contraintes. Là, contraintes. Est-ce que, mais dans l'ensemble, il n'y a pas une grosse avance. L'équipe la quête de chemin, ça n'a pas une grosse avance sur les autres formations. Fait qu'ils commencent un mois d'avance? Non, okay. Non. Ça se rattrape assez bien. C'est au niveau peut-être confiance là, que tu peux en avoir un peu plus. Mais à notre premier tournoi qui va avoir lieu en fin de semaine prochaine dans la région de Québec, là, on va voir notre niveau se constitue par rapport aux autres équipes parce que la majorité des équipes vont être présentes à ce tournoi. OK. Si on parlait de ce circuit-là, c'est-tu la première année qu'ils font partie de ce circuit-là? C'est-tu un nouveau circuit? Non. L'an passé, il était faisait partie du même circuit, puis l'équipe avait bien performé malgré tout. Là, l'équipe, faut pas oublier que cette équipe-là a représenté la région aux Jeux du Québec. Ouais. L'hiver passé. Ensuite de ça, il était qualifié aussi pour la finale du circuit. Il était parmi les quatre meilleures équipes l'an passé. Donc, c'est pas une équipe là que je pars. On part pas de loin. Là. C'est juste qu'il faut que ça prend. On est rendu à l'étape qu'il faut que ça. Faut polir un peu le diamant là, de cette équipe-là. Bien d'accord avec toi. Il y a pas de changement à part toi. Il y a pas de changement dans l'équipe. Non, aucun changement. C'est les. C'est les cinq mêmes joueurs. C'est une autre. Cette équipe-là évolue à cinq joueurs, fait qu'il y a tout un joueur substitut. Aucun changement. Daniel, il reste encore beaucoup présent à l'entourage de l'équipe. Là, c'est notre. Si on veut, c'est notre gérant d'équipe. OK. Si ça va commencer en fin de semaine, c'est le premier de combien de tournois? Au total, il y en a six. Ils participent à six tournois durant la saison. OK. Hey, on va parler de Laurent Guénard, la formation de Laurent Guénard. Elle n'existe plus, cette formation-là aussi? Non, cette formation-là, ils se sont séparés au mois de février dernier. OK. De commun accord, ça s'est bien fait. Puis là, l'horaire présentement évolue avec une équipe de la région de Québec. OK. Donc, elle représente le club de curling, le prestigieux club de curling Herschemin. OK. Ou le même club que Marie-France Larouche. Ah. La famille Roberge fait partie de ce club-là. Et elle aussi, en fin de semaine, cette équipe-là, c'est leur premier tournoi qu'ils vont participer à Québec. Puis en fin de semaine, dans l'autre fin de semaine, ils vont à Ottawa pour un important tournoi là, dans la région okay. d'Ottawa. Est-ce que Laurent a quitté la région pour les études? Okay. Oui. Ben non, ben elle est à Chicoutimi, Laurent, pour ses études. OK. Donc, faut se déplacer régulièrement à Québec pour des entraînements. Puis, dans les tournois, c'est tel que tel. Là. On pourrait se déplacer pareil, mais c'est pour l'entraînement. Des fois, c'est un peu plus compliqué. Mais, on a un très bon entraîneur, là, Michel Blais. OK. Il a participé à quelques Canadiens. Championnat canadien, c'est un excellent entraîneur. Donc, va être en mesure de faire progresser... Laura elle-même en tant que joueur. OK. Bon, fait qu'on va souhaiter la meilleure des chances à toute l'équipe et on s'en tient au courant tout au long de l'année. Merci. Voilà, donc c'est l'instructeur de l'équipe de Christopher Gagnon, Marc-André Gagnon.